L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Bonjour Vincent Dupont, bonjour. Vous êtes chorégraphe, vous êtes donc sur notre antenne pour nous parler d'un spectacle qui va être très prochainement à l'affiche de l'Apostrophe au Théâtre des Arts à Cergy-Centre pour, je crois, trois représentations, voilà, j'y arrive. Il s'agit du spectacle Stéréoscopia, une pièce chorégraphique où vous nous invitez à vivre et surtout vous invitez les spectateurs, les jeunes spectateurs, à vivre une expérience sensorielle, c'est un peu ça ? Oui, on pourrait dire un petit peu ça, pas que ça, mais aussi ça, une expérience sensorielle déjà, effectivement, qui est basée en fait sur, on va dire, le principe de la stéréoscopie, voilà, qui est un procédé maintenant qu'on connaît bien avec les lunettes 3D, mais qui en fait a été découvert au XVIIe siècle par un peintre italien qui s'appelait Jacopo Cimenti, et qui est voilà, l'apparition d'un relief quand on regarde deux dessins, deux images presque semblables, pas tout à fait semblables, mais presque semblables, et alors apparaît un relief qui est en fait une image qui est recréée par le cerveau. Voilà. Et je suis parti de ce procédé pour essayer un petit peu de travailler l'écart qu'il y a entre, on pourrait dire, ce qu'on voit et ce qu'on perçoit, on pourrait dire, par exemple. Mmh. Une pièce chorégraphique pour deux danseuses, avec en même temps l'idée qu'on assiste presque à un double solo, une manière peut-être de chercher, je ne sais pas si c'est votre intention artistique, à semer le trouble, voire l'illusion chez le spectateur. Tout à fait, oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est presque, voilà, c'est ça, ce serait presque le même solo en parallèle, qui commence vraiment presque dans un unisson, voilà, on pourrait dire parfait, et puis petit à petit qui va se décaler légèrement, comme je disais tout à l'heure, qui a créé une sorte d'écart, et qui va progressivement semer le trouble jusqu'à même arriver à déplacer le cadre et même le briser à certains endroits. Ouais, troubler la perception du jeune spectateur sur ce qui lui est proposé sur scène. Voilà, alors c'est vrai que c'est un spectacle qui n'est pas dédié qu'aux jeunes spectateurs. C'est d'accord. Un spectacle pour adultes qui est visible en fait par des personnes à partir de 9 ans. Mmh. C'est pas uniquement pour les jeunes spectateurs. Le trouble existe aussi chez les adultes, j'espère. Absolument. En tout cas, je confirme. Ça, voilà. Et du coup, voilà, c'est un format par contre effectivement qui est plus jeune spectateur dans le sens où le spectacle dure 45 minutes. Mais autrement, c'est un spectacle que j'ai fait comme d'habitude pour mes spectacles. Voilà, et je pensais que c'était peut-être plus intéressant de faire un spectacle qui soit pas uniquement dédié à eux, mais peut-être qui soit peut-être plus ouvert. Peut-être parce que j'ai le souvenir en fait de spectacles que j'ai vus quand j'étais jeune et qui étaient plutôt des spectacles, on va dire, pour adultes, ou enfin en tout cas des spectacles tout public. Voilà. Ouais. Alors. Je rappelais ou j'insistais sur le rapport à une forme d'expérience sensorielle, mais en effet, c'est d'abord avant tout une pièce chorégraphique, donc ça veut dire un travail sur le mouvement, sur le rapport du corps dans la perception de l'image renvoyée au spectateur. Oui, c'est déjà le mouvement, c'est aussi le bruit du mouvement, le bruit aussi de le son de la respiration des danseurs, parce que les spectateurs ont des casques audio sur les oreilles pendant le spectacle, et du coup ils ont comme ça, très proche d'eux, presque dans une sorte d'intimité, la respiration des danseurs. Avec par moment, j'imagine, c'est là où on parlait de trouble il y a quelques instants, la concentration qu'on peut avoir sur ce que l'on voit et être légèrement se distrait parce que l'on entend. Voilà, c'est ça. Il y a presque, on pourrait dire, comme une sorte de hiatus entre ce qu'on voit et ce qu'on entend. Mmh. Il y a une sorte de décalage, comme je parlais tout à l'heure du décalage de la stéréoscopie, ce léger décalage entre deux images, presque semblables, mais là c'est pareil, c'est presque le son du mouvement ou le mouvement du son, mais pas tout à fait, en fait. Et dans ce décalage, ça permet de, moi en tout cas je le vis comme ça, ça permet de peut-être s'adresser à quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre de la sensation, directement, que quelque chose qui serait... narratif ou qui expliquerait quelque chose. Ouais, rechercher de nouvelles sensations également, hein. Exactement, oui, c'est Ouais. ça. C'est en fait peut-être mettre en contact des matières qui n'ont pas forcément l'habitude d'être Voilà. juxtaposées en même temps. Je crois savoir que la bande son a une importance capitale dans votre spectacle. Oui, je travaille, c'est vrai, je travaille maintenant depuis pas mal d'années, mais enfin de quelques années sur justement sur la respiration du danseur. En même temps que le mouvement, sur une sorte de connexion ensemble du mouvement et de la respiration, une respiration qui est amplifiée pour que les spectateurs puissent entendre, une respiration qui est aussi parfois, qui passe par des filtres, donc qui est légèrement déformée, en tout cas qui emmène la respiration ou la production vocale à certains moments dans des espaces un peu différents, par exemple des espaces réverbérants ou au contraire des espaces très mats ou des déformations plus fortes, ça dépend. Voilà, et qui est lié au mouvement, c'est-à-dire que c'est deux matières qui avancent ensemble. Vous pouvez nous décrire, alors sans tout nous révéler, parce qu'il faut garder une part de suspense et de mystère, mais nous dévoiler juste un petit peu l'idée du dispositif scénique. Alors c'est vraiment le principe de la stéréoscopie au départ. C'est vraiment deux cadres, deux images qui sont côte à côte. Qui pourraient être les mêmes images, et à l'intérieur de ces espaces, ces deux espaces identiques, va apparaître progressivement un corps, d'abord qu'on ne va pas trop reconnaître, qui va peut-être ressembler à quelque chose qui pourrait être comme une sorte de pierre, ou peut-être une sorte de masse de magma un peu sombre comme ça, et puis petit à petit, cette masse va se développer, on va se rendre compte que c'est des corps qui sont à l'intérieur. Et petit à petit, les corps vont investir l'espace à l'intérieur de ce cadre, qui est un cadre en fait cinémascope. De ces deux images, on pourrait dire scopes qui sont côte à côte. Et petit à petit, voilà, il y a quelque chose qui commence à se dérouler, qui n'est pas une narration, c'est-à-dire qui n'explique pas. C'est vraiment de la danse, voilà. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui se déroule, qui avance, qui continue à avancer et qui va aller jusqu'à une transformation des corps. Et qui va aller jusqu'à une déformation aussi du cadre. Alors, je suppose, je viens de parler de la bande son et de son importance, je suppose que le travail sur la lumière joue aussi un rôle essentiel pour inviter à découvrir ces nouvelles sensations également. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, on a profité du fait que la stéréoscopie marche aussi, enfin, a marche en tout cas avec les lunettes 3D sur le rouge et le vert, souvent Oui. c'est les couleurs qui sont utilisées pour augmenter les sensations de relief. Et du coup, à certains moments, on travaille aussi avec des couleurs comme ça, très primaires, rouge et vert, qui viennent un petit peu ponctuer, rythmer ces deux espaces semblables où les mouvements qui sont faits à l'intérieur sont les mêmes, ou presque les mêmes, mais qui ne sont pas dans la même lumière. Pas dans la même couleur. Donc, est-ce qu'on a la même perception finalement du mouvement en fonction de la lumière qui entoure ces corps? On va rappeler à nos auditeurs, et les plus jeunes vont être ravis parce qu'ils ont quatre présentations qui leur sont destinées les jeudis 17, vendredi 18 décembre à 10h et à 14h30, puis une cinquième séance le samedi 19 décembre où là on peut venir en famille, c'est à 17h, l'ensemble à l'apostrophe au Théâtre des Arts à Cergy. C'est Stéréoscopia de Vincent Dupont avec donc deux danseuses pour cette pièce chorégraphique qui vient d'être présentée. Merci à vous. Merci beaucoup.